إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق الواضح، وتركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإخواننا في مشارق الغرب، في مشارق الأرض ومغاربها، من الشرك ومن الرياء ومن النار. آمين آمين. أما بعد، فنتابع في هذه الحصة شرح كتاب والأصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه المجدد. Donc on continue l'explication des trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abd Wahhab. Donc on s'est arrêté, on continue à partir de la parole du Bukhari, rahmatullahi alayh, quand il a dit Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Donc on continue à partir des paroles du Bukhari, rahmatullahi alayh, quand il a dit chapitre, la connaissance avant la parole et les actes. La connaissance avant la parole et les actes, et la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité si ce n'est qu'Allah, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et implore le pardon pour ton péché. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wa lil mu'minat. Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Donc ici, Bukhari, il a dit que dans ce verset, Allah Azza wa Jal a commencé par la science avant la parole et les actes. Allah Azza wa Jal a commencé par la science. Donc, chaque personne doit apprendre avant de d'œuvrer et avant de passer à l'action. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal n'est pas adoré avec ignorance, mais il est adoré avec science. Et comme disent les chouyoukh, et notre cheikh hafidhahullah wa bayyana lahu at-tariq al-wadih, cheikh Omar al-Haddouchi, wa hadana Allah wa iyyah ila sabil ar-rashad, comme il dit, al-ilm idha amma ammar, wal-jahl idha amma dammar. Donc comme il disait que la science, si elle est répandue, elle va remplir. Et l'ignorance, si elle se répand, elle détruit. Donc la science, c'est quelque chose de très important. Comme il a dit Cheikh, comme il a dit Chef et rahmatullahi alayh, al-ilmu maghrasu kulli fakhrin faftakhir. Wahdar yafutuka fakhru dhalika al-maghrasi. العلم مغرس كل فخر فافتخر واحذر يفوتك فخر ذلك المغرس. C'est-à-dire que avec la science, c'est quelque chose avec laquelle tu peux être fier. Et fais attention que cette fierté ne te dépasse et que tu n'aies plus rien à semer. Subhanallah, des paroles, masha'Allah. Donc ici, dans le Coran, on a plusieurs versets qui parlent du mérite de la science et des savants. Et on a le hadith qui a été rapporté par Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel il dit طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهنا تدخل فيه المرأة كذلك. Ici, le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit, le fait de demander la science est une obligation pour chaque musulman. Le fait de demander la science est une obligation. Ici, al-ilmu al-daruri al-ilmu al-ma'loum min al-din bid-darura. Ici, on parle de des choses qui sont obligatoires, que chaque musulman doit connaître pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de faire la prière, le fait de faire les ablutions, le fait de faire des rites du pèlerinage, et donc tous les actes qui doivent être bâtis sur une science, d'accord? Les actes d'adoration qui doivent être selon les enseignements du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli, comme le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc au temps du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il le voyait, il voyait comment il faisait, et au jour d'aujourd'hui, ça a été rapporté. Ça nous a été rapporté dans les livres, donc alhamdulillah, on a des ashrita, on a des vidéos, on a tout pour apprendre. Donc il faut juste avoir cette envie et d'apprendre, et t'as pas d'excuses يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب في سورة الزمر. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset, il dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? La réponse est non. إنما يتذكر أولو الألباب. Certes, ceux qui sont doués d'intelligence vont comprendre. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dans sourate surat Al-Mujadala, il dit, يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات عفوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. Donc Allah fait élever ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science des degrés. Ici les savants ils ont dit des degrés dans la vie ici-bas et des degrés dans l'au-delà, c'est-à-dire au paradis. Et Luqman, alayhi salam, il disait à son fils, en lui donnant des conseils et en le conseillant, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, Ya bunay, jalis al-ulama wa zahimhum bi rukbatik, fa inna Allah yuhyi al-quluba bi nour al-hikmah kama yuhyi al-arda bi wabil al-sama'. Donc ici dit Luqman, et il disait à son fils, ô mon fils, assieds-toi avec les savants, assieds-toi avec les savants, et pousse-les, et essaye d'être là, et de les pousser avec tes genoux, d'accord? Serre-les plutôt, hein? Donc serre-les avec tes genoux, car Allah Azza wa Jal fait vivre les cœurs avec la lumière de la sagesse, comme il fit vivre la terre avec la pluie qui descend du ciel. Regardez des paroles, masha'Allah. Ya bunay, ô mon fils, assieds-toi avec les savants et pousse-les avec ton genou. Car Allah fait vivre les cœurs avec la lumière de la sagesse, comme il fit vivre la terre avec la pluie qui descend du ciel. D'accord? Et aussi, on a la parole de Ikrima, quand il disait, Iyakum an tu'udu ahadan min al-ulama, fa in man ada aliman faqad ada rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, li annahum hamalatu kalamihi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Ikrima disait, faites attention de ne pas faire du mal aux savants, car le fait de leur faire du mal, c'est comme si vous faisiez du mal au prophète alayhi salatu wassalam, car ils détiennent en eux la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, quand il parle avec les des savants, c'est les savants qui sont rabbaniens, qui sont savants, qui parlent et qui disent la vérité, pas les savants des sultans, pas les savants qui cachent la vérité et qui ne montrent pas le chemin et qui travaillent les sultans et les tawarites. Donc, ici, ulama, علماء العاملين. D'accord? C'est l'ulama al-amilin. Et les savants, quand ils n'arrivaient pas à comprendre une chose, et quand ils n'arrivaient pas à méditer une chose, que ce soit un verset ou un verset du Coran ou un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient et s'isolaient auprès d'une mosquée vide durant le dernier tiers de la nuit. Comme c'était le cas de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, comme ça a été rapporté par son élève Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, il disait: إذا أشكلت على شيخي مسألة يذهب إلى مسجد خالي فيقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. Donc il allait, il disait: oh, toi ya Allah, éducateur de Ibrahim, éduque-moi, fais-moi apprendre. Et toi, qui as fait comprendre à Suleyman, fais-moi comprendre. Subhanallah, regardez. Car il y a une partie de la science, c'est Allah Azzawajal qui te la donne. Il y a une partie que tu peux atteindre en étudiant et en prenant cette partie de la science de la bouche des savants. Mais il y a une autre science, subhanallah, c'est Allah qui te la donne. C'est Allah qui te la donne. Donc ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans une mosquée et où il n'y avait personne le soir. Il prenait du sable, il le mettait sur son visage, il disait: Allahumma ya mu'allima Ibrahim, allimni, Allahumma ya mufahima Sulayman, fahimni. Pour vous montrer le mérite de la science. Pour vous montrer le mérite de la science. Et ici, vous le savez que dans le hadith qui a été rapporté par le Bukhari, rahmatullahi alayhi, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Allah, certes Allah ne prendra pas la science en l'arrachant des cœurs des gens, mais il prendra la science en prenant les savants, jusqu'à que s'il n'y a plus de savants, les gens, jusqu'à qu'il n'y a plus de savants qui vont émettre des fatawa, qui vont émettre des avis, qui vont parler avec science, les gens, ils vont faire quoi? Les gens, ils vont prendre ils vont prendre des têtes d'ignorants. Ils vont prendre des ignorants qui vont parler sans science et qui vont égarer et qui vont s'égarer. Donc ils vont donner des fatawa bighayri ilm, sans science. Ils vont donner des fatawa sans science bighayri ilm. Fadallu wa adallu. Donc ils vont s'égarer et ils vont égarer. D'accord? Et donc, on a un autre hadith, un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi, min hadith Abi Huraira, radiallahu anhu. Le prophète, alayhi sallam, il a dit: Ala inna dunya mal'ouna. Ala inna dunya mal'ouna. Mal'ounun ma fiha. Illa dhikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allim. Ici, dans ce hadith, le prophète, alayhi sallam, il dit: certes, la vie ici-bas est maudite. Certes, la vie ici-bas est maudite. Et maudite tout ce qu'il y a dessus. Sauf l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il va avec, ou un savant, ou un demandeur de science, ou un savant, ou un demandeur de science. Dans le hadith que Uthman ibn Affan radiallahu anhu a rapporté, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui le fait apprendre. Le hadith a été rapporté par Sahih al-Bukhari, rahmatullahi alayh. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man yuridi Allahu bihi khayran faqqahu fi din. Donc ici, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: celui dont Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc les savants, ils ont dit le contraire est pareil. Celui dont Allah ne veut pas du bien, il ne lui fait pas comprendre la religion. Il ne lui fait pas comprendre la religion. Et Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il a dit: ma balu aqwamin yatanazzahun an shay'in asna'uh fa wallah inni a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khashya. Hadith a été rapporté par le Bukhari et le Muslim. C'est que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam faisait des choses et des gens, par honte ou je ne sais quoi, il n'osait pas le faire. Donc des choses que le prophète ne le faisait pas. D'accord? Et eux, ils s'abstenaient de faire ce que le prophète faisait. Donc le prophète, il a dit, qu'est-ce qu'ils ont ces gens à ne pas faire des choses que moi je fais? Ensuite, le prophète, il jure par Allah, il dit, fa wallah, inni a'lamuhum billah. J'ai plus connaissance que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis ashaddu lahu khashiyah. Et c'est moi qui le crains le plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wasalam, s'il le fait, c'est qu'il le fait pas pour rien. C'est qu'il sait que c'est autorisé et que c'est halal et que c'est licite et qu'il peut le faire. Donc ça veut dire quoi ces gens qui font des actes, qui ne font pas les actes que le prophète alayhi salatu wasalam, faisait? Ça veut dire qu'ils sont mieux que le prophète alayhi salatu wasalam. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam, il s'est étonné. Mais balu aqwam, qu'est-ce qu'ils ont à ne pas faire ce que je fais? Comme ça a été rapporté par Abu Huraira, le hadith as-sahih, le prophète alayhi salam, pendant, il faisait des da'awa, il faisait des invocations où il disait Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Donc le prophète alayhi salam, dans des invocations qu'il faisait, il disait quoi? Il disait Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Oh Allah, rends-moi utile avec ce que tu m'apprends. Oh Allah, rends-moi utile avec ce que tu m'apprends et apprends-moi ce qui m'est utile et rajoute-moi encore plus de science. Et rajoute-moi encore plus de science. Et dans le verset, dans le Coran, on a un verset, hein, où Allah Azza wa Jalla dit wa qul rabbi zidni ilma. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh Allah, rajoute-moi plus de science. Et méditez bien, le prophète alayhi salatu salam, il n'a pas dit, et rajoutez-moi plus de maisons, ou rajoutez-moi plus de femmes, ou rajoutez-moi plus d'enfants, ou rajoutez-moi plus de voitures. Donc il a dit, et rajoutez-moi plus de science. Les savants, ils disent que s'il y avait une chose qui méritait, hein, Ziyada, qui méritait que le prophète puisse demander un rajout, hein, ça aurait été autre que la science. Mais il n'y a pas une chose meilleure que la science, et c'est pour cela que Allah Azzawajal lui a dit, il dit, Ya Rab, wa qur Rabbi, zidni ilma, rajoute-moi plus de science. Hein, pour vous montrer le mérite de la science. Pour vous montrer le mérite de la science, comme on a vu que Ali radiallahu anhu, il a dit, les gens qui ont le plus d'importance, c'est les gens qui ont de la science. Et les gens qui ont le moins d'importance, c'est les gens qui ont de l'ignorance. Les gens qui ont le moins d'importance, c'est les gens qui ont de l'ignorance. D'accord? Et on a un hadith que Ibn Majah a rapporté, et Al-Albani, rahmatullahi alayhi, a rapporté dans As-Silsila Sahiha. Le prophète alayhi salam aussi, parmi les invocations qu'il disait, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udhu bika min ha'ula'i al-arba'. Et aussi on a ce hadith où le prophète alayhi salam, comme ça a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, le hadith est authentique, rapporté par Ibn Majah et par Albani dans As-Sahihah. Le prophète alayhi salam, il demandait que donc le prophète alayhi salam, il demandait à Allah protection contre quatre choses. Il disait, Ya Allah, je te demande protection contre une science qui ne m'est pas utile, et contre un cœur qui n'est jamais concentré, et contre une âme qui demandera toujours plus, et je te demande protection contre une invocation qui sera pas acceptée. Oh Allah, je te demande protection contre ces quatre choses. D'accord? Contre une science qui ne sert à rien. D'accord? Contre un cœur qui n'est pas concentré, qui ne craint pas Allah, et contre une âme qui demandera toujours plus. La tashba, c'est-à-dire que elle aura tout le temps faim. D'accord? Et contre une invocation qui ne sera pas acceptée, et contre. Donc, ces quatre choses. Alors, le prophète alayhi sallam demandait protection à Allah subhanahu wa ta'ala pour ces quatre choses. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit comme ça a été rapporté chez Al-Bayhaqi, il dit, et c'est pas la parole du prophète alayhi sallam, parce que beaucoup de tullab al-ilm, beaucoup de gens disent que c'est la parole, même des savants on a entendu, ils disent que c'est la parole du prophète alayhi sallam, mais en vérité c'est la parole de Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il te dit quoi? Il te dit man humain la yashba'an talib ilm wa talib dunya. Donc il te dit que deux personnes auront toujours faim, deux personnes qui auront toujours envie d'avoir plus, d'en avoir plus. C'est qui ces deux personnes? Il a dit talib dunya wa talib ilm, celui qui aime la dunya et celui qui aime la science. Ces deux personnes aimeront toujours d'en avoir plus, systématiquement. Celui qui aime la dunya, il aimera toujours avoir plus de bienfaits dans ce bas monde, plus de voitures, plus d'enfants, plus d'argent, et ainsi de suite. Et le demandeur de science, subhanallah, il aimera toujours, s'il est vraiment sincère, si vraiment il aime la science, il voudra toujours en avoir plus. Il te dit, quand au demandeur de science, il aura encore plus la satisfaction du miséricordieux. Quand à celui qui demande dunya, d'accord, il dépassera sa tyrannie. En fait, il va évoluer et augmenter dans sa tyrannie. D'accord? Et Ali radiallahu anhu, il a des paroles, masha'Allah, en or. Il dit, Al-ilmu khayrun min al-mal. Écoute bien. Il dit, Al-ilmu khayrun min al-mal. Li'anna al-ilma yahrusuk wa anta tahrusu al-mal. Il dit, la science est meilleure que l'argent, car l'argent, pardon, il dit, la science est meilleure que l'argent, car la science se protège alors que toi tu protèges l'argent. La science est meilleure que l'argent, car la science te protège alors que toi tu protèges l'argent en banque, dans des coffres forts, chez toi, enfermé dans des placards, t'as ton argent enfermé et tu la protèges. Et ici tu dis alors que la science te protège, tu fais de un recoup les invocations quand tu montes en voiture, Allah bi-idnillah te protège, bi-idnillah t'as pas d'accident, d'accord. Quand tu t'endors, tu fais tes invocations avant de dormir, quand tu sors de chez toi, ainsi pareil. Donc Allah ici, la science te protège, ici tes invocations te protègent alors que toi tu protèges l'argent. Donc c'est quoi qui est mieux, l'argent ou la science? Ouais, la science, d'accord. Et il dit, Ali radiallahu anhu aussi, il dit, hatafa al-ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Il te dit que la science, elle téléphone à l'acte. La science, elle téléphone à l'acte. Fa in ajaba wa illa irtahal. Donc elle te dit, si l'acte répond au téléphone, ou sinon, la science s'en va. Masha'Allah, des paroles en or. Hatafa al-ilmu bil amal. Il dit, la science, elle appelle l'acte. Si l'acte répond à la science, la science, elle va répondre. Elle va suivre. Si l'acte ne répond pas, eh ben, elle s'en va automatiquement. Donc ici, c'est pareil. Si la science, tu la prends, mais tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comme ils disent que la science est un arbre. Et les fruits sont les actes. Donc si la science, si l'arbre, il n'y a pas d'acte, si l'arbre, pardon, ne donne pas de fruits, eh ben, ça ne sert à rien d'avoir un arbre. Ça ne sert à rien d'avoir un arbre. Et ici, c'est pareil. Donc la science, si elle ne donne pas les fruits qui sont les actes, ça ne sert à rien d'avoir cette science. Bien au contraire, cette science, c'est une ujja, c'est une preuve, yawm al-qiyama, contre toi. C'est une preuve, le jour de la résurrection, contre toi. Donc, ici, هدف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. D'accord ? Et l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, imam Ahmed, imam al-Mihna, rahmatullah alayhi, il dit, الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه الناس في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفس. Ici il te dit que les gens ont besoin de la science plus qu'ils ont besoin de manger et boire. Car manger et boire, peut-être que tu en auras besoin dans la journée une fois ou deux, alors que la science, tu en as besoin au nombre de respirations. Au nombre de respirations. Donc, quand tu respires dans la journée, tu respires combien de fois Inspirer, expirer. Combien de fois dans la journée? Une fois, deux fois, trois fois? Je laisse compter. D'accord? Donc, il te dit que la science, on en a plus besoin que de manger et boire. Tu as plus besoin de science que de manger et boire. Subhanallah. Et aussi, on a la parole de Malik. Imam Malik, il te dit, العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. Il te dit que la science et la sagesse est une lumière que Allah guide qui veut avec. Et c'est pas avec كثرة المسائل. C'est pas le fait de dire oui, je sais ça. C'est pas pour récolter beaucoup de science. C'est pas ça le plus important. Mais c'est mettre en pratique ce que tu as appris. C'est mettre en pratique ce que tu as appris. Et comme il disait Shu'ba, kunna nasta'inu bi hifd al-hadith bil 'amal bihi. Et comme il dit Shu'ba, rahmatullahi alayhi, il disait on s'appuyait sur le hadith pour l'apprendre en le mettant en pratique. En le mettant en pratique. Il s'appuyait sur le hadith pour l'apprendre en quoi? En faisant quoi? En le mettant en pratique. Donc quand tu prends un hadith et que tu le mets en pratique, dis-toi qu'il s'ancre. Il rentre dans la tête. Comme si tu gravais sur du fer. Comme si tu gravais sur du fer. Et comme il disait, al-ilmu fi sigari kan-naqshi 'ala al-hajar. Et le fait d'apprendre durant l'enfance et quand on est plus jeune, c'est comme le fait de graver sur une pierre. C'est comme le fait de graver sur une pierre. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il te dit, laysa al-ilmu bi kathrati ar-riwaya. Qala fulan, haddathana fulan, an fulan. Il te dit, laysa al-ilmu bi kathrati ar-riwaya. La science, c'est pas avec en apprenant plusieurs versions, plusieurs riwayat. Walakin al-ilmu al-khashiya. Mais il te corrige, il te montre c'est quoi l'ilm. Walakin al-ilmu al-khashiya. Il te dit, mais la science, c'est la crainte. Mais la science, c'est la crainte. Al-ilm al-ilm al-khashiya. D'accord? Et par rapport à ceux qui apprennent, et à ceux qui n'œuvrent pas, et à ceux qui ne mettent pas ce qu'ils apprennent en pratique, le prophète alayhi sallam a mis en garde. Et le hadith, il est clair et net dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Le prophète alayhi sallam, il dit, يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع أهل النار عليه أي فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر. Regardez, subhanallah, une personne, on le prendra et on jettera en enfer. On jettera en enfer. D'accord? Ici, il y aura ses tripes. Cette personne, il y aura ses tripes qui vont sortir. Il va tourner autour de ses tripes comme il fait l'âne. Quand il tourne autour du raha. Donc, le raha, c'est C'est ce qui est traditionnel pour écraser les olives. Donc, l'âne tourne autour du raha. D'accord? Donc, ici, les gens du feu, ils se regroupent. Ils se regroupent autour de lui. Et ils lui disent, ô Foulen, ô Antel, c'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous ordonnais pas dans la vie ici-bas à faire le bien et tu nous désordonnais, tu nous interdisais de faire le blâmable. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, il dit, c'est vrai que je vous ordonnais de faire le bien et je ne le faisais pas. Je vous ordonnais de faire le bien, mais je ne le faisais pas. Et je vous interdisais de faire le blâmable et je le faisais. Je vous interdisais de faire le blâmable et je le faisais. Donc, c'est quoi? Cette personne avait de la science. Il ordonnait le bien alors qu'il ne le faisait pas. Hein? Et ici, il y a le verset qui me vient à l'esprit dans sourate As-Saff, قال سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وايسي dans le verset al-maqt, c'est plus que la colère. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit, pourquoi, oh vous qui avez cru, pourquoi vous dites des choses que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites des choses que vous ne faites pas? Allah se mettra en colère si vous dites des choses que vous ne faites pas. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. Là, vous ordonnez les gens à faire le bien et vous vous oubliez. Et vous vous oubliez alors que vous lisez le livre, c'est-à-dire le Coran. Afala ta'qilun. Vous n'avez pas un cerveau pour réfléchir. Subhanallah. Donc deux versets dans Surat Saf et dans Surat Al-Baqarah. Où Allah Azza wa Jal nous montre ces gens et nous met en garde de dire des choses et de ne pas faire ce qu'on dit. كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. نكتفي بهذا القدر. نتابع في الحصة المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.